Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. C'est le lieu à partir d'où vous nous écoutez. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Et ce sera pour parler de la mise en œuvre de la nouvelle constitution au regard des dispositions transitoires. En effet, le président de la République a promulgué la nouvelle constitution le 7 juin dernier. Et selon l'article 292, la constitution entre en vigueur le jour de sa promulgation. Parallèlement, l'article 288 autorise les institutions issues des élections sous l'empire de l'ancienne constitution de rester en place jusqu'aux nouvelles élections. Ici, il y a lieu de se poser un tas de questions. Les institutions, à savoir l'exécutif, le parlement et le judiciaire, sont aujourd'hui régies par quelle constitution ? Quelles sont les institutions concernées par l'article 288 et celles qui ne le sont pas ? Est-ce que le président peut aujourd'hui changer les institutions pour se conformer à la nouvelle constitution sans créer une crise politique ? Y a-t-il une possibilité de maintenir toutes les institutions en place jusqu'aux nouvelles élections ? Si tel est le cas, pourquoi le président de la République se serait pressé d'adopter la nouvelle constitution ? Qu'est-ce qui peut être fait pour que cette situation nous conduise sans heurts vers les prochaines élections ? C'est autour de toutes ces questions que nous allons débattre avec nos invités, qui sont Terence Nahida Aja, qui est porte-parole et assistant du ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique. Bonjour. Bonjour, messieurs journalistes. Bonjour, chers collègues ici. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue dans ce débat. Merci de nous avoir invités. Nous sommes aussi avec Abel Gachati, qui est président du parti Prona. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue également mes collègues et les auditeurs qui nous écoutent. Bienvenue. Merci. L'autre invité, c'est honorable Pierre Célestin Ndikumana. Il est président du groupe parlementaire Amizeria Barundi. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Dans ce débat, on avait invité le représentant du parti Saounia Fodebou, mais il a été empêché à la dernière minute. La mise en onde est assurée par Gini Ange Ndaïteho. Jérôme Nyonzima est à la réalisation et au micro. Vous retrouvez Joseph Saliaban. Bienvenue. Pour entrer dans le vif du sujet, la première question, je l'adresse à l'assistant du ministre de l'Intérieur et porte-parole de ce ministère. Aujourd'hui, les institutions burundaises sont régies par quelle constitution ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de poser la question, que je dirais une question très simple, à laquelle bien entendu, mais une écolière ou un écolier de l'école primaire pourrait répondre. Nous avons déjà une nouvelle constitution qui a été, bien entendu, votée par le peuple burundais en date du 17 mai 2018 et elle est en vigueur dès cette date et jusqu'à aujourd'hui, comme le précise elle-même. Il y a les gens qui disent que aujourd'hui les institutions burundaises seraient liées par l'ancienne constitution et la nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous en dites ? Oh, il y en a qui le disent, mais j'aimerais porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que cette idée n'est pas du tout argumentée conformément à la réalité qui est écrite dans la Constitution. Je sais à quoi vous faites allusion, messieurs les journalistes. Vous faites comme des professeurs qui posent des questions en connaissant les réponses. Eh bien, vous faites allusion sans aucun doute à l'article 288 de la nouvelle constitution qui stipule que, en attendant la mise en place des institutions issues des élections conformément à la présente constitution, les institutions en place restent en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues. Je pense que c'est cela que vous dites. Mm-hmm. Et de fait, c'est clair. Et cet article, il est difficile en matière de constitution, comme vous le savez, de voter une constitution et de la mettre à 100% en application. C'est pourquoi, même si vous consultez l'ancienne constitution, même les autres, vous trouverez que chaque fois, avant de la mise en application effective d'une constitution, il existe, pour le fait de prudence et pour qu'il n'y ait pas de casse ou autre, des dispositions qu'on appelle transitoires. Si je vous fais un exemple au niveau de la constitution dernièrement abandonnée, celle qui nous a régi de 2005 jusqu'au 16 mai 2017, je vous fais un exemple, si vous lisez cette constitution, vous allez y trouver quelques dispositions transitoires de l'article 304 à l'article 307. Juste en guise d'exemple, permettez-moi, messieurs les journalistes et chers auditeurs, de vous citer au moins un article qui est similaire, sinon semblable, à celle que je dois citer dans la nouvelle constitution. C'est l'article 304. Il est libéré ainsi, je cite, en attendant la mise en place des institutions issues des élections conformément à la présente constitution, les institutions de transition et d'administration territoriale restent en fonction jusqu'à la date déterminée conformément au calendrier établi par la Commission électorale nationale indépendante. Mais c'était pour vous montrer que les dispositions transitoires existent toujours et les deux dispositions, 304 pour l'ancienne constitution et 288, il y a une certaine ressemblance. Eh bien alors, et cela signifie que justement, il est difficile de directement couper court à tout le fonctionnement d'un pays pour appliquer, bien entendu, la nouvelle constitution. Ici alors, je vais être clair. C'est le problème d'interprétation de cet article 288 qui s'oppose au niveau des différentes personnalités, voire même ceux qui disent qu'ils sont des chercheurs ou des experts à la matière. Alors, si vous avez telle ou telle question, s'il y a un article donné, il faut interroger la Cour constitutionnelle. C'est le seul organe habilité pour éclaircir s'il y a confusion pour l'une ou l'autre disposition dans une constitution d'éclairer de la lumière. Mais je peux tenter d'informer l'opinion qui nous écoute et ce que signifie cet article, si vous voulez. L'article 304 de l'ancienne constitution que vous évoquez, c'était une constitution qui a été promulguée en 2005 et les élections se sont déroulées en 2005. Mais pour la nouvelle constitution, elle a été promulguée 3 ans avant les élections. Ce décalage ne fait pas en sorte qu'il y a chevauchement des deux constitutions. Il n'existe pas nulle part une interdiction internationale qui dit que pour faire disposition transitoire, on va se donner 2 mois, 3 mois, 1 année ou 3 ans. Ça ne figure nulle part. Par ailleurs, le peuple burundais a déjà validé cet écart dont vous parlez. Si le peuple burundais a validé, on doit respecter. Inutile d'apporter des discussions à gauche, à droite. Merci, monsieur le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Voilà. Je pose la même question au président du groupe parlementaire Amizero ya Barundi, honorable Pierre-Célestin Dikoumana. Aujourd'hui, les institutions burundaises sont régies par quelles lois fondamentales? Merci beaucoup de la question. Comme mon confrère ici l'a dit, c'est une question très simple. Normalement, quand il y a promulgation, c'est la loi qui est promulguée qui doit être mise en place. Et pour le cas d'espèce, évidemment, on a promulgué une constitution qui a des réserves par rapport à sa mise en application. Et c'est ça ce qui cause le problème. Donc c'est une constitution qui est là, qui vient d'être promulguée et qui devrait normalement être mise en application parce que, comme on le dit, c'est l'article 292. L'article est intitulé comme suit. La présente constitution adoptée par référendum du 17 mai 2018 entre en vigueur le jour de sa promulgation. Et bien évidemment, la constitution, une fois promulguée, devrait entrer en vigueur, comme l'article le précise. Mais à la grande surprise, dans les dispositions transitoires, on dit, mon confrère ici l'a cité, que les institutions qui sont en place doivent continuer à fonctionner jusqu'à la mise en place d'autres institutions ici des élections de 2020. Vous voyez quand même qu'il y a quelque chose de contradiction. Et c'est une contradiction dans le même texte de loi, dans la même constitution. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, nous avons toujours dit que cette constitution a beaucoup de lacunes. Et les premières lacunes commencent à se manifester. Je le disais sur ce même plateau que, une fois la constitution adoptée, elle-même va se poser des problèmes. Elle-même va se barricader parce que la constitution en place avait mis bien sûr des balises par rapport à son fonctionnement lui-même. Donc, en fin de compte, ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui par rapport à la mise en application de cette constitution, qui est en vigueur bien sûr, comme ça a été promulgué, c'est qu'au niveau justement de la mise en application, et le grand problème c'est ça, le grand problème normalement dans notre pays, ce ne sont pas les lois. Mais pour le cas d'espèce, bien sûr, et la constitution actuelle cause elle-même des problèmes. Okay. Mais le grand problème, ce sont ces gens-là qui sont chargés de mettre en application les lois, qui cherchent à manipuler l'un ou l'autre article pour leurs intérêts. Et pour le cas d'espèce, comme je l'ai dit, par exemple, moi j'aime prêcher par des exemples, ce qui s'est passé au niveau du Sénat. C'est une violation flagrante de l'article 288. Parce que le Sénat burundais, ce n'est plus le Sénat dont parle l'article 288, qui dit, en attendant la mise en place des institutions, ici des élections, conformément à la présente constitution, c'est-à-dire la constitution actuelle, les institutions en place, et là la loi est muette. On n'a pas cité telle institution, telle autre, sauf pour le cas de la Cour constitutionnelle. C'est là où la constitution est claire. Sinon, on dit les institutions en place restent en fonction jusqu'à l'installation effective. Pas n'importe quelle installation, jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions. Vous évoquez le Sénat, vous voulez parler des anciens présidents qui ont perdu leur poste au sein de cette institution. C'est ça que je voulais dire. L'institution, si on parle des institutions, vous n'allez pas dire que le Sénat n'est pas une institution. Je crois que c'est parmi les institutions les plus fortes dans leur pays. Et le Sénat vient d'être changé alors que cette disposition transitoire était claire qu'il fallait respecter ces institutions jusqu'à l'installation effective des institutions ici des élections de 2020. Est-ce que nous sommes en 2020? Est-ce qu'il y a eu des élections anticipées? On va y répondre. Si on voulait, bien sûr, si on voulait changer cette institution-là, on aurait peut-être organisé des élections anticipées. Sinon, pour le cas d'espèce, il y a une violation flagrante de cette disposition, de cet article 288, par ces mêmes personnes qui devraient protéger la constitution qu'ils venaient de mettre en place, avec, après, bien sûr, beaucoup de dérapages de sa mise en place. Parce que si vous voyez, si vous voulez même qu'on analyse cette constitution, c'est une constitution qui n'a pas la loi de promulgation. Par exemple, la loi du 18 mars 2005, elle a une loi de promulgation. On dit loi numéro 1/010, et puis on met les dates, et on dit portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi. Mais aujourd'hui, le titre, c'est la Constitution de la République du Burundi. Ce n'est même pas référencé, donc il y a des manquements. Et quand nous parlons de ces manquements qu'on observe et qui sont observables, ce n'est pas pour... comme le dirait peut-être Naïra Aja, ce n'est pas pour combattre le gouvernement, ce n'est pas pour combattre son système, c'est pour au moins leur faire un clin d'œil pour corriger certaines choses, des écarts qui sont visibles et qui sont même flagrants. Monsieur Abel Gachati, il y a le président du groupe parlementaire Amizeria Barundi qui dit que la nouvelle constitution porte en elle-même des défis. Vous partagez cette lecture avec lui. Avant peut-être de parler des défis que l'autre a évoqués, je vais d'abord donner la position du parti, prenant ma position par rapport à la constitution utilisée aujourd'hui dans notre pays. Car il y a bien sûr des gens qui disent que le Burundi est pour le moment régi par des constitutions. Au sein du parti prenant, il est clair que le Burundi est régi par une seule constitution, la constitution qui a été votée le 17 mai de cette année. Et c'est cette constitution qui agit. Et notre pays, bien sûr, mes prédécesseurs ont évoqué la disposition transitoire, les dispositions transitoires à l'Okinawa, c'est l'article 288. C'est clair, quand on est en train de choisir le législateur, quand il est en train de légiférer les lois, et qu'on parvient à avoir une constitution, cette disposition est là pour montrer la transition, c'est-à-dire il y a la période à laquelle notre pays est en train d'être gouverné, c'est-à-dire les institutions actuelles sont ici des élections de 2015. Maintenant, dans cet article, on précise très bien qu'en attendant la mise en place des institutions ici des élections conformément à la présente constitution, c'est-à-dire l'actuelle constitution, les institutions en place, c'est-à-dire ce sont des institutions élues en 2015, restent en fonction jusqu'à l'installation effective des institutions élues, les institutions qui seront élues en 2020. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans la période, en période des coups d'État. À l'époque, quand un président commet un coup d'État, automatiquement, il peut inventer une constitution et effacer tout ce qui existe au pays. Mais aujourd'hui, on a des institutions qui ont été, qui émanent des élections de 2015. Et ce sont ces institutions qui doivent continuer. Mais qu'une loi n'empêche que le gouvernement, que le peuple burundais peut se décider d'élaborer une nouvelle constitution. C'est ce qui a été fait ici au Burundi. La constitution, elle est là. Il y a, bien sûr, la disposition, elle est là. Et cette disposition figure dans l'actuelle constitution. Pour dire que cette disposition dit, ça montre comment les institutions en place peuvent fonctionner jusqu'à l'organisation des élections en 2020. Donc notre pays n'est pas régi par des constitutions, il est régi par une seule constitution, c'est-à-dire l'actuelle constitution récemment signée. Monsieur le président du parti Iprona, vous dites que la nouvelle constitution, c'est celle qui est appliquée aujourd'hui, mais au niveau de la configuration du gouvernement, le gouvernement actuel, ce n'est pas celui qui est prévu par la nouvelle constitution. Comment est-ce que vous pouvez dire que c'est la nouvelle constitution qui est aujourd'hui appliquée seulement? Effectivement, c'est ce qui se figure dans cette disposition, dans cet article 288. Cet article montre clairement donc le gouvernement actuel, surtout la présidence de la République, les deux vice-présidents. Il y a ceux-mêmes qui ont dit que les vice-présidents ne devraient pas continuer à être membres du gouvernement ou continuer à diriger le pays. Pourquoi? Parce qu'ils ne figurent pas parmi les élus. Alors, c'est ce que l'article 288 dit. Là, je vais donner la lumière à cela. 1. Le vice-président de la République. Pour prétendre être vice-président de la République, tu dois d'abord figurer parmi les élus. Moi, le premier vice-président, par exemple, c'est un élu communal en commune Mukaza. 2. Ces deux vice-présidents doivent être élus au niveau de l'Assemblée nationale, des chambres réunies. Ça a été fait. Ça a été fait, même le pourcentage est proposé. Qui peut alors dire que les vice-présidents de la République ne sont pas des élus? Ce sont des élus, car même au-delà de ça, les dirigeants de son pays sont des dirigeants qui émanent des élections de 2015. De 2015. Pour que le Iprona ait la chance d'avoir un vice-président, c'est pas le hasard. On a compté, on a observé les résultats obtenus par l'Iprona en 2015 et cela a fait que l'Iprona est le premier vice-président de la République. Honorable Pierre-Célestin Ndikumana, au niveau de la coalition Mizero ya Barundi, vous reconnaissez que les deux vice-présidents font partie des institutions élues par la population? Non, c'est pas ça. Ils sont sous l'ancien régime. Là, je vais dire sous l'ancienne constitution. Sinon, il devrait y avoir un premier ministre. Naïla, j'avais dit qu'il faut respecter le peuple. S'il faut respecter le peuple, mon frère, il ne faut pas m'interrompre. Parce que vous n'avez pas souvent cette habitude d'interrompre les gens. Je crois que vous allez quand même laisser continuer. Donc, s'il fallait respecter le peuple, il faut mettre déjà le Premier ministre. Et la disposition, transitoire, elle est là, mais elle n'est pas en train d'être respectée. Parce qu'on vient de démanteler, s'il faut utiliser le terme, parce que le Sénat n'est plus le Sénat qui devrait être là. On a chassé les anciens présidents. Du coup, on a violé cet article, cette disposition transitoire. Et moi, si je pouvais conseiller à ces gens qui voulaient bien sûr tout précipiter, qu'ils organisent les élections anticipées, c'est pur et simple. Parce que même cette disposition transitoire parle jusqu'à l'installation effective des institutions. Ici, des élections. Il ne précise même pas les élections 2020. Il est précise seulement dans l'alinéa, pour cet article, on précise seulement dans l'alinéa 2, au niveau de l'alinéa 2, où on parle de la Cour constitutionnelle. Sinon, s'il faut manipuler la constitution qui vient d'être mise en place, déjà dans des conditions, bien sûr, je ne voudrais pas revenir sur les conditions dans lesquelles on a mis la nouvelle constitution, mais évidemment, elle est déjà là. C'est un fait, hein, c'est un fait. Les faits sont têtus. Nous sommes déjà... déjà sauvé. Alors, qu'ils aient quand même le courage de respecter cette constitution. Mais elle est respectée, mon ami. Elle n'est pas respectée. J'ai donné des exemples. Bon. En cherchant à manipuler cette nouvelle constitution, on trahit le peuple. Si réellement il faut respecter ce peuple, on le trahit. En cherchant à changer quoi que ce soit par rapport aux institutions en place, c'est une violation de cet article transitoire. Donc, si vous militez pour cet article, si vous dites que toute loi ou toute constitution doit avoir des dispositions transitoires, j'en conviens. Mais si les dispositions sont là, il faut avoir le courage de les respecter. Et c'est que nous sommes en train de voir. Chacun cherche à manipuler, à utiliser l'article qui lui convient dans la nouvelle constitution, et même à puiser dans l'ancienne, pourvu que ça l'arrange. Et ça, c'est un problème. Les dispositions, s'ils sont là, il faut les respecter. Sinon, il y a chevauchement. Et je dirais, en fin de compte, même si la constitution en place, même si elle est là, même si elle est en train de fonctionner, quelque part, il y a des séquelles de l'ancienne constitution. Il y a quelque part un certain chevauchement. Je vous donne un exemple. Parce que moi, je vous prêche toujours par des exemples. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, même au niveau du Sénat, nous avons été élus sous l'ancien système. Et c'est même la raison pour laquelle cette constitution se garde d'arrêter ces institutions-là. Parce que nous avons été élus. Nous avons été élus par le peuple. Je ne sais pas si Naïla, je le reconnais. Vous avez été élus. Nous avons été mandatés. Il faut me donner la parole. Nous avons été mandatés pour 5 ans. Écoutez, je vais terminer. Si nous devons terminer les 5 ans, nous avons été élus sous l'ancien régime, sous l'ancienne constitution. Et pour le moment, bon, qu'on fasse quoi que l'on veut faire, etc., etc., on ne peut pas changer. Donc il y a quelque part un chevauchement. Apparemment, Haïda Aja, vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'honorable... Par ailleurs, vous m'avez sauté, c'est moi qui devrais réagir là-bas, mais quand même, merci parce qu'il a beaucoup exprimé aussi d'autres nouvelles idées qui m'intéressent beaucoup. Voilà. Monsieur le journaliste, chers auditeurs, chers collègues ici au studio, il y a l'honorable Célestin Damizelo Labarundi qui vient de parler de beaucoup de choses, et alors qu'il en sait réserve dans l'application de la nouvelle constitution. Il a parlé des contradictions... cette application, il a parlé des lacunes, il a parlé de la question qui se barricade elle-même, il a parlé de manipulation de quelques articles, quelques dispositions. J'aimerais tranquilliser l'honorable et toutes les personnes qui nous écoutent que ce qu'elle exprimait, c'est peut-être le problème d'interprétation. Permettez-moi, encore une fois, monsieur le journaliste, d'y revenir, et revenir surtout sur l'article. Quand on parle des institutions issues des élections, ça signifie quoi? Il y en a qui pensent qu'il s'agit du Parlement, de l'institution du chef de l'État, du conseil communal et l'administrateur communal, des élus locaux uniquement qui sont limités là-bas. Mais il faut distinguer les conseils français. C'est pourquoi, en fait, il y a chaque fois un organe judiciaire dans tous les pays qui est chargé d'interpréter certaines dispositions de la Constitution en cas de mésentente ou de désaccord, comme ça a été d'ailleurs le cas en 2015, même si certains n'ont pas voulu accepter l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ici, j'aimerais vous dire que, en fait, quand on parle des décisions issues des élections, c'est différent des élections élues. Attention, c'est différent de dire institution élue et institution issue des élections. Le gouvernement est issu actuel des élections de 2015. C'est un exemple. Les ministres ne sont pas élus. Mais s'il s'agirait d'interpréter de la première façon dont j'ai parlé, c'est que même les cinq ministres, dames de la bonne, pourraient même sauter, même mettre d'autres, mais pourquoi pas? Ah oui. Quand on fait une décision ici, le gouvernement actuel est issu de ces élections. C'est la Cour constitutionnelle qui nous a demandé d'entrer dans ce gouvernement. Nous n'avons pas demandé ça. Bien entendu, c'était pour éclaircir les choses, mon ami. C'est pour vous dire que, mon cher ami, même le gouvernement sous l'institution, le président du parti prenant très bien dit, pour occuper le poste de vice-président de la République, il faut avoir été élu par le peuple. J'avais eu l'occasion d'expliquer, de répondre à cette question, quand j'expliquais aux politiciens, aux réunions des partis politiques, j'avais une présentation sur, justement, les quelques dispositions qui ont subi des changements au niveau de la Constitution qui existait à ce moment. Alors, ici, c'est pour vous dire que, vraiment, il n'y a pas de contradiction, pas de chevauchement, pas de manipulation, c'est clair. Selon vous, alors, quelles sont les institutions qui sont évoquées par l'article 288? Il y a tout ce que je dirais, y compris il y a même le gouvernement. Je sais que la plupart des pays sont la première vice-présidence, la deuxième vice-présidence, le gouvernement. Mais ils sont issus de ces élections de 2015. Ça, il faut savoir. Il faut le savoir et le comprendre. Que les gens ne commencent pas à confondre les choses. Mais il y a d'autres choses qui sont en train d'être changées. Il y a la révision de certaines lois. Il faut qu'on s'adapte à la Constitution. Il y a beaucoup d'autres qui permettent la mise en application, mais ce n'est pas en une fraction de seconde, mesdames et messieurs. Ce n'est pas en une journée. C'est progressivement. On le fait, c'est vrai, selon les urgences. Mais on n'est pas soulevé en tant que chef d'État. Voilà, je vais sortir un décret X, ordonnance ministérielle en une journée. La constitution actuelle est en train d'être mise en application, excepté bien entendu les institutions issues des élections, y compris non seulement le Parlement, l'institution du chef de l'État, le conseil communal, des conseils communaux, des élus locaux, mais également le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Mais également le gouvernement. Je sais qu'il y avait des spéculations des uns et des autres qui avaient commencé à se préparer pour être ministre, d'autres pour être vice-président. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de spéculations. C'est probablement dans votre système. Non, on n'a pas cherché. Je vous ai respecté. Même dans l'opposition, il y en a qui ont beaucoup réclamé. Mais qu'est-ce qu'on attend? Il faut qu'on change. Ils étaient déjà préparés, peut-être, mais. Je vais donner la lumière sur l'interprétation de ce qu'on appelle institution issue des élections et institution élue. Est-ce que vous me comprenez? C'est clair. C'est pour que vraiment l'opinion qui nous écoute puisse déjà discerner les choses. Quant au reste, c'est possible d'être mis en application. Nous sommes à l'œuvre. Chaque ministère technique, en ce qui le concerne, est à l'œuvre. Et par ailleurs, il y a eu un remaniement ministériaire. Il y a eu beaucoup de changements dans le ministère. Il y a même beaucoup de décrets qui organisent les ministères qui sont encore en cours d'analyse au Conseil des ministres, y compris même le ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique et du développement local. Il y a toujours une analyse au niveau du Conseil. On n'a pas envoyé le texte. Il y a même beaucoup d'autres. Comment voulez-vous qu'en une journée, ce n'est pas une lettre qu'on écrit ou bien un mot qu'on fait, on analyse conformément à la loi, on va s'adapter, ça se fait comment? Il y a aussi beaucoup de textes qui seront mis en place très rapidement, alors qu'il y a son conseil communal, qui est aujourd'hui en contradiction avec la nouvelle constitution. Il y a le code électoral, il y a aussi les partis politiques, il y a beaucoup d'autres textes. La semaine prochaine, le 20, permettez-moi de le dire, si Dieu le permet, on va inviter tous les politiciens et même l'idée, pourquoi pas le président de la misère sera aussi là, je pense, on va l'inviter. Pour qu'on fasse de compte, on commence déjà à échanger sur les prochaines élections. Nous sommes dans la démocratie. Voilà. Concernant la nouvelle loi fondamentale qui a été promulguée le 7 juin par le président de la République, nous avons contacté le politologue et professeur d'université, Julien Nimubona, pour qu'il puisse y apporter son analyse. Voilà ce qu'il a dit. En fait, c'est un problème général. La Constitution de 2005 reprenait dans des dispositions assez importantes vers la fin, des dispositions qui régissaient la période de transition. C'est assez curieux de voir qu'une nouvelle constitution vient codifier sur les matières d'une période antérieure. Eh bien, cette nouvelle constitution vient également montrer les mêmes difficultés à sortir des questions et des problèmes politiques que nous avons en légiférant définitivement. Ainsi, effectivement, on voit que la nouvelle constitution, qu'elle est nouvelle, qu'elle régit le fonctionnement des institutions et qu'elle définit les modalités pratiques d'accession au pouvoir, l'étendue et les limites de ces pouvoirs-là, eh bien, on voit qu'il y a une superposition de logique entre l'ancienne constitution et la nouvelle, et cela crée des doutes, crée des suspicions même, des intentions des acteurs. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Qu'est-ce que le président peut faire avec la nouvelle constitution? Nous sommes tous posés la question de savoir, mais on va au référendum, on va promulguer la constitution, comment va-t-on l'appliquer? Est-ce qu'il y aura dissolution du Parlement? Est-ce qu'il y aura nomination d'un nouveau gouvernement? Est-ce qu'il y aura mise en place de nouvelles structures de l'État conformément au prescrit de la nouvelle constitution? Pourquoi l'a-t-on fait maintenant? Pourquoi pas en 2019, à la veille des élections 2020? Telle est la question, mais les dispositions 2288 et 290 tracent un peu un canal flou de gestion de ces deux textes et de ces deux temps. Il y a justement ceux qui pensent que, au regard de cet article 288, le Burundi va être régi par deux constitutions. Vous partagez cette analyse? Il faut nuancer. Je pense que le législateur Je veux dire, les gens qui ont élaboré ce texte ont hésité entre deux options. L'option de mise en application effective de la nouvelle constitution une fois promulguée et prendre en compte les difficultés politiques qui découleraient de cette mise en application, notamment comment gérer les institutions mises en place conformément à l'ancienne constitution, je veux dire les institutions dont le mandat court pour 5 ans jusqu'en 2020. D'où vous avez deux alinéas à peu près, en tout cas deux paragraphes pour cette même disposition. La première disposition qui dit les institutions mises en place restent en place jusqu'aux nouvelles élections, sans préciser 2020. Le 2020 apparaît juste au deuxième paragraphe avec la Cour constitutionnelle. Ce qui signifie que le chef de l'État, en fonction des problèmes politiques, il peut utiliser le premier paragraphe, demander interprétation acquise à l'avance à la Cour constitutionnelle en disant on a dit jusqu'aux nouvelles élections, on ne sait pas quand ces élections auraient lieu, donc ça ouvre une possibilité à dissolution en cas de crise grave que le chef de l'État peut apprécier, ou alors utiliser le second paragraphe pour légitimer le discours d'Ogenana que j'ai entendu, à savoir de dire toutes les institutions mises en place en 2015 restent en place jusqu'aux élections de 2020. Parmi les institutions, il y a par exemple la coalition Amizero ya Barundi qui, dans cette constitution, n'a pas de place. Ouais. Est-ce que le fait de maintenir cette coalition dans les institutions, cela ne relève pas de la contradiction entretenue par cette nouvelle loi fondamentale? C'est vraiment terrible comme histoire. Vous maintenez les deux textes. Vous avez des institutions qui sont mises en place, qui fonctionnent conformément à l'ancien texte. C'est déjà une contradiction fondamentale. Normalement, une constitution, elle est régie, dès lors qu'elle est promulguée, elle est régie et la source du pouvoir, donc les modalités d'accès au pouvoir, et le fonctionnement de ces pouvoirs, c'est-à-dire de ces institutions. Vous parlez d'Omizero ya Barundi. Avec la nouvelle constitution, normalement, ça ne devrait pas exister, parce que la nouvelle constitution ne reconnaît pas la coalition des indépendants. Deux, la nouvelle constitution ne reconnaît pas le droit, c'est-à-dire l'obligation pour le chef de l'État à mettre au gouvernement les partis ou les coalitions qui auraient 5% aux élections législatives. Or, c'est le cas maintenant, dans le fonctionnement du Parlement. Et cela va bloquer la décision du chef de l'État dans l'aménagement, par exemple, du gouvernement. S'il nomme un gouvernement où il n'y a pas Amizero ya Barundi, est-ce qu'il aura les majorités qu'il faut pour voter des lois organiques, par exemple, à l'Assemblée nationale? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a les exigences de l'ancienne constitution. Donc l'ancienne constitution, qui exigeait des majorités importantes de blocage, eh bien, cette ancienne constitution va rester fonctionnelle parallèlement à la nouvelle constitution. Ça lie les mains du président de la République, qui ne peut pas utiliser la nouvelle constitution, par exemple, pour nommer comme il veut les membres du gouvernement. Est-ce que le Parlement aujourd'hui reste lié à l'ancienne constitution ou bien le Parlement va désormais appliquer la nouvelle constitution? Mais non, elle est liée elle-même parce qu'elle a été élue conformément à la constitution de 2015. Sa composition reflète même les règlements de la période du mandat. Par exemple, la modalité de mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Par exemple, la composition des groupes parlementaires. Non, le Parlement actuel est absolument lié par l'ancienne constitution. Abel Gachati, il y a le politologue qui dit que, en principe, le président de la République, en se conformant à la nouvelle constitution, il devrait mettre en place un nouveau gouvernement. Il dit aussi que le Parlement reste toujours lié à l'ancienne loi fondamentale au niveau du parti IPRONA. Vous, qu'est-ce que vous dites? Le politologue, c'est son point de vue. C'est une analyse qu'il est en train de faire. C'est pas de la Bible, oui. C'est pas du... Donc, tout a été... Ce sont des théories scientifiques. Non, tout a été prévu par le législateur. Quand on est entré, quand on a mis l'article 288 des dispositions transitoires, cet article dit tout. Ça montre comment les institutions en place, issues des élections de 2015, seront remplacées par des institutions qui seront élues en 2020. Ici, le politologue a précisé que... dans l'alinéa premier, il a précisé qu'on n'a pas précisé la période, le jour où les élections auront lieu. Mais c'est clair dans l'article 288. Quand on précise que les institutions en place restent en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues. On sait que les élections prochaines seront en 2020. D'ailleurs, dans l'alinéa 2, c'est bien mentionné quand on dit que les membres actuels de la Cour constitutionnelle et cette institution, la Cour constitutionnelle, c'est elle qui doit contrôler le fonctionnement des institutions jusqu'en 2020. Ça montre que les institutions issues des élections en 2015, comme c'est mentionné dans l'article 288, ils doivent terminer leur mandat et céder la place aux institutions prochaines. Je pense que les gens ne devraient pas se poser beaucoup de questions. Je l'ai déjà dit, quand un pays propose une nouvelle constitution, on ne fixe pas un mois, deux mois, deux ans. On peut proposer une constitution et surtout respecter les institutions. Ici, on a évoqué Amizero Abarundi. Amizero Abarundi era grâce aux élections de 2015. Sinon, ni c'était les élections de 2015, on n'allait pas entendre Amizero Abarundi. D'ailleurs, ça a été une manipulation. Sinon, la coalition Amizero Abarundi n'allait pas être au gouvernement. C'est dans l'ancienne constitution. La coalition ne devrait pas faire partie du gouvernement. Mais ça a été peut-être un arrangement politique pour quand même faire avancer les choses. Mais sinon, l'article 288 des dispositions transitoires, c'est un article de la nouvelle constitution. Et peut-être cet article n'aura pas lieu d'être qu'en 2020. Mais pour le moment, c'est une disposition transitoire qui doit montrer comment les institutions en place vont céder la place aux institutions qui seront ici des élections qui seront organisées en 2020. Mosaïque. Pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la mise en application de la nouvelle constitution. Nos invités sont Terence Naila Aja, qui est porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique. Nous sommes aussi... Et du développement local. Nous sommes aussi avec le président du parti Prona Bergachati. Nous sommes également avec honorable Pierre-Célestin Ndikumana de la coalition Amizero Abarundi. Dans ce débat, on avait également invité le représentant du parti Savoania Fodebo, mais il a été empêché à la dernière minute. Terence Naila Aja, vous au niveau du ministère de l'Intérieur, après ce qui a été déjà débattu ici, vous reconnaissez quand même que la nouvelle constitution est porteur de défis. En aucun cas, voilà. En fait, ici, vous m'avez amené à réagir ici les propos du politologue Jérémy Mouwona, qui a même son fâchant politique. Alors, quand il a des propos, c'est par rapport à ses faveurs. Permettez-moi encore une fois de vous dire que ce qu'il a dit, que justement, la mise en application pose des problèmes, pas de problème. C'est son point de vue en tant que politicien. N'est-ce pas, monsieur le journaliste, mais également, quand il parle de contradictions fondamentales, en aucun cas, ni de n'ignorer que le rendez-vous de 2020 et que de tout le monde, en témoignent même les contributions que le peuple est en train de faire pour 2020, en témoignent tous les objectifs et toutes les résolutions faites par les politiciens, ils donnent le rendez-vous de 2020 pour les élections, même dans le débat d'Arusha, on s'est donné le rendez-vous de 2020. Alors, si quelqu'un commence à dire que voilà, peut-être là, il m'a donné, on peut faire ci ou cela, ce n'est pas correct. C'est son point de vue. Quand il parle du Parlement, au niveau du règlement, la mise en place des bureaux et autres sont définies par un règlement intérieur du Parlement. Un règlement intérieur d'une institution peut être changé d'un moment à l'autre selon les besoins, n'est-ce pas? Même s'il n'y avait pas une nouvelle constitution, le Parlement peut s'asseoir et voilà, notre règlement connaît des lacunes ou des défis, on peut s'asseoir et le réviser. Si le Parlement a révisé ce règlement intérieur, comment mettre en place cette institution interne, cela n'implique pas qu'il y ait la violation de la loi fondamentale. En aucun cas. Voilà. Donc, pas de problème, aucune lacune, tout se passe très bien. Et je répète bien, quand on parle des institutions issues des élections, c'est bien différent des institutions élues. n'oublie pas que le gouvernement a été composé, c'est est ici dès 2015. Et c'est le même gouvernement qui a un mandat et qui continue, comme l'a dit le politologue. C'est pourquoi donc l'article 188 le protège jusqu'aux élections de 2020. Et s'il n'y a pas de défi à contourner, pourquoi le président a promulgué la constitution 3 ans avant les nouvelles élections? Chaque fois de besoin, si la population peuple le décide, est-ce que le président peut boycotter le verdict du peuple? En aucun cas. Aussitôt que le peuple a voté et qu'il a démontré qu'il est pour le changement de la constitution, il faut que le chef de l'État, en tant qu'élu du peuple, respecte le verdict des urnes. Je vous remercie. Étant donné que c'est le président de la République qui appelle le peuple à voter, est-ce qu'il ne pouvait pas attendre l'année de l'élection pour appeler le peuple? Il invite le peuple à voter, mais il ne prend aucune personne par force. C'est par la volonté que toutes les personnes participent aux élections et de manière volontaire. Il y en a qui n'ont pas allé voter la Constitution et qui sont restés à la maison et personne ne les a empêchés de le faire. Voilà. Au niveau de la Miseria Barundi, Pierre Célestin Ndikumana, la Constitution ne pose pas de défi. Tout... C'est l'engagement, bien sûr. Ah, bien entendu, cela c'est l'engagement. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Mais tout le monde l'accepte. Non, écoute. Peut-être c'est selon vous. Je dois vous tranquilliser. Il y a des lacunes. Je dois tranquilliser Naïra Aja et tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui pensent comme lui. Que dire que la Constitution a des défis, dire même qu'il y a des contradictions, c'est pas vraiment empêché. Il n'y en a pas, ce n'est pas vraiment la fin du monde. Je ne peux en aucun cas, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. S'il vous plaît, laisse-moi terminer mon argumentaire. Nous sommes tous humains. Ceux qui ont conçu cette Constitution, ce sont des humains. Ceux qui ont essayé, bien sûr, de donner leurs apports quant à la mise en place, etc., de cette constitution, ce sont des humains, ils peuvent se tromper. Alors, dire quand même, laisse-moi, il ne faut pas m'interrompre. Vous n'aviez pas cette habitude. Bon, je me suis gardé de vous interrompre parce que vous avez parlé de beaucoup de choses, de beaucoup de dérapages même, mais je me suis retenu. Retenez-vous pour que je termine mes propos. Vous allez réagir, messieurs les porte-parole. Dire qu'il y a un défi, c'est vraiment normal, c'est humain, c'est clair. Donc, si l'article 288 parle des institutions... Je suis tout à fait d'accord avec toi, avec votre argumentaire, qu'il s'agit de toutes les institutions. Je suis tout à fait d'accord. Mais vous dites, vous parlez des institutions issues, bien sûr, des élections, j'en conviens. Mais parmi toutes ces institutions, les institutions élues ne sont pas exclues. Vous n'allez pas dire que les institutions élues ne sont pas dedans. Voilà. Donc, on se rencontre quelque part. Votre argumentaire, mais il ne faut pas m'interrompre, s'il vous plaît. Votre argumentaire par rapport à ces institutions dont on parle au niveau de l'article 288, dire qu'il s'agit de toutes les institutions, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce sont des institutions élues, mais aussi des institutions non élus, qui sont issus de ces élections. S'il vous plaît. Ça, on se rencontre. Je veux nuancer quelque chose. Ouais. La nuance, comme je l'ai dit dès le départ, c'est ce problème-là de manipulation où, où ceux qui sont en train de mettre en application, de mettre en place cette constitution-là, cherchent ce qui les arrange dans l'une ou l'autre chose. Je vous ai donné un exemple et personne n'a pu me contredire que le Sénat ici des élections de 2015 n'est plus le même Sénat. Et cela est en violation, a été fait en violation flagrante, il faut vraiment ajouter flagrante, de cet article 288. Vous n'avez aucun argument pour refuter ça. Le Sénat est là, mais le Sénat qui est là n'est pas le Sénat ici des élections de 2015. On a évoqué la question du président. Est-ce qu'on a ajouté quelque chose? Si on n'en a pas ajouté, on en a retiré quand même. C'est l'honorable Célestin qui a apporté la parole. Si on n'en a pas ajouté, on en a retiré. Ajouter et retirer, c'est la même chose. C'est modifié. Écoute, il a été élu par l'ancienne constitution. Parce que l'ancienne constitution parle de la participation. On est tenu par le peuple. Dans le Sénat, il doit y avoir des ex-présidents. Et ça, c'était clair, c'était légal. Donc, si on vous dit, je vous ai parlé du règlement. Alors, c'est parce qu'ils ont peur de mes arguments et qu'ils continuent à m'interrompre. Laisse-moi terminer mon argumentateur là. Oui, voilà, c'est clair. Nous allons y répondre. Bon, je vais donner juste un petit exemple que même un enfant de l'école maternelle peut, bien sûr, résoudre. Une problématique qu'il peut résoudre. Oui, oui. Si on vous donne 5 vaches et qu'on vous dit, que quelqu'un vous dit, il faut garder ces vaches jusqu'à samedi, par exemple, demain, et que demain, il vient, il y trouve 3 vaches. Est-ce que vous allez dire que la personne qui a retiré les 2 vaches a respecté la convention de garder les vaches jusqu'à samedi? Non, vous n'allez pas le dire. Parce que vous avez retiré 2. Me dire aujourd'hui que le Sénat, issu des élections de 2005, et le même Sénat aujourd'hui, après avoir retiré 4 de ses membres, c'est quand même dire trop, c'est quand même se contredire soi-même. C'est le seul défi. Donc, ça, c'est un défi grave. Il faut cerner le poids de ce que c'est la Constitution. Et comme je l'ai toujours dit, il y en a même qui m'ont critiqué, comme quoi j'ai dit que j'ai voté pour le non. C'était dans mon droit de le dire. La Constitution que Nailaj a lui-même, il sait qu'il a voté oui. Oui, bien entendu. Et aujourd'hui, il est incapable de la respecter. Je suis capable, non. Mais bien évidemment. Quel honorable c'était, comment c'est amant. Non, écoute. Je ne vais pas écouter la Constitution. Si je dis, il n'a qu'à retirer ses propos. Non, je ne peux pas retirer. Moi aussi, je dis non. Je n'accepte pas que vous fassiez amant. Honorable Pierre Célestin, vous connaissez quand même que Terence Nahiraj n'est pas sénateur. Mais aujourd'hui, il s'est fait porte-parole. Il dit que... Je ne suis pas fait porte-parole. Il est ici. Je suis porte-parole du ministère, pas du Sénat. Mais... voilà. Et vous l'accusez. Vous aussi, vous n'êtes pas porte-parole du Sénat parce que vous devez le problème du Sénat du Parlement. Restez du Sénat à part. Parlons alors du Parlement. Nous sommes en train de parler de la loi, de la Constitution. Mais vous avez évoqué le Sénat et vous êtes un sénateur. C'est un exemple. Non, c'est un exemple de la violation de la Constitution. Mais quand vous commencez à mentir là aussi. Non, c'est un exemple qui est clair. Non, je n'ai pas encore terminé mon propos. Alors, Vous avez une minute. Il y a eu des considérations. Oui. On a fait des commentaires au propos de Julien Imrona. Bon, ces propos, entièrement, je les fais les miens. C'est vraiment un homme conscient. Pas entièrement, mais en partie. Voilà. Mais si, même s'il serait politicien, comme je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il ne l'est plus. Moi, je ne sais pas où il est maintenant. C'est la raison pour laquelle j'ai mis au conditionnel. C'était pour dire tout simplement que ce qu'il a dit, je dois vous avouer que je le respecte. Il fut même mon professeur quand je poursuivais mes études en master professionnel en droit de l'homme et résolution pacifique des conflits. Je le respecte et je respecte ses propos et je les fais les miens. Je n'ai pas d'autres commentaires sur ce qu'il a dit. Sinon, la Constitution est là. Elle a certaines contradictions. Et j'ai dit que ce sont des défis, bien sûr, qui sont peut-être tolérables. Mais quand même, je dois réagir sur quelques accusations ici. On aime dire, voilà, comme Gachati l'a dit, il y a une manipulation pour entrer au gouvernement par la Miseria Barundi. Je dois préciser deux choses ici. Première chose, par rapport à ça, parce que des fois, on fait même des menaces, vous avez 5 ministres, vous ne devrez pas... Il a corrigé, il a parlé de l'arrangement politique. On peut faire même des menaces comme quoi on peut les chasser, etc., etc. Je dois préciser deux choses. Première chose, ce n'est pas la coalition Miseria Barundi qui avait demandé d'entrer au gouvernement. Ça, il faut vraiment le savoir. C'est plutôt la Cour constitutionnelle qui nous a demandé d'entrer au gouvernement. L'arrêt est là. Oui, et cette année-là, si vous dites aujourd'hui qu'il y a une manipulation, c'est que vous ne reconnaissez pas la Cour constitutionnelle qui est malheureusement, pour vous, reconnue par l'ancienne constitution. Moi, je dis que c'est un arrangement politique. Merci, honorable. On passe la parole. La deuxième chose, mais quand même, j'ai parlé de deux choses. Donc, il n'y a pas eu manipulation. Il y a eu arrêt de la Cour constitutionnelle. Deuxième chose, nos ministres sont protégés par l'article 288 parce qu'il s'agit d'une... Ils font partie de ces institutions-là qu'on ne peut pas bouger avant la fin du mandat, avant la venue des élections de 2020. Donc, qu'on les aime, qu'on ne les aime pas, ils sont là et ils font du bien là. D'ailleurs, ils sont quand même protégés par la loi pour rester là jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections, jusqu'à ce qu'il y ait quand même des institutions. Mais toutefois, si on voudrait bien sûr faire tout ce qu'on veut faire aujourd'hui, si on voudrait continuer à manipuler les choses, il y a la brèche là, on peut faire des élections anticipées pour pouvoir le faire. Mais là, ça sera aussi difficile parce qu'il y a le Parlement qui est là, qui est issu des élections de 2015, qui a un mandat de 5 ans, parce que c'est clair que ce soit au niveau de la loi, du code électoral, que ce soit au niveau de la Constitution. Merci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux réagir, mais comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on voudra bien sûr manipuler les choses, à chaque fois qu'on voudra changer ces institutions, on aura bien sûr trahi au peuple, on aura violé la Constitution. Merci. Voilà. Abel Gachati, il y a le représentant du gouvernement dans ce débat, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui dit que la nouvelle Constitution ne présente aucun défi. Il y a le représentant de la coalition israélienne, au nom de lui, il dit que des défis ne manquent pas. Et vous, au niveau du parti Prona, qu'est-ce que vous dites? Et si défis il y en a, proposez des solutions. Oui, par rapport à cette nouvelle constitution, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Prona a contribué pour que cette constitution soit votée. Le Prona a travaillé sur cette constitution dès le départ. On a fait campagne pour faire voter cette constitution. Et si j'ai bien suivi le représentant de la coalition Misère Barundi, le seul défi qu'il a relevé, c'est ce qui a été fait au Sénat. Le fait de retirer du Sénat les anciens présidents de la République. C'est ça le seul défi que j'ai entendu. Là, comme président du parti, prenant un parti qui respecte la loi, je pense que la Cour constitutionnelle est là pour se prononcer car elle est la seule institution qui est là pour garantir le bien fonctionnement de la Constitution. Heureusement que vous la reconnaissez pour le moment. Oui, la Cour constitutionnelle. Sinon, au titre 16 de cette nouvelle Constitution, donc au titre des dispositions transitoires, l'article 288 dit tout. Elle est claire. Elle montre comment les institutions en place, comme je l'ai déjà dit, vont céder la place aux prochaines institutions. Donc c'est une disposition de la nouvelle constitution. Et c'est une disposition qui est là et qui définit tout. Merci. Tant Narila Aja, selon vous, qu'est-ce qui peut être fait justement pour que on puisse aller tout droit vers les élections en utilisant cette constitution sans vraiment qu'il y ait des heurts? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de poser la question. J'aimerais vous dire que, en fait, jusqu'à l'heure où je vous parle, la constitution actuelle est claire et précise en toutes ces 202 dispositions. Et elle est en train d'être mise en application par le gouvernement burundais, comme elle l'exige elle-même. Ça, c'est la première chose. Et ici, nous demandons au gouvernement et à tout responsable compétent pour mettre en application la présente loi fondamentale de la respecter. Troisièmement, je demande à toute personne qui a confusion en ce qui concerne l'interprétation de l'une ou l'autre disposition d'interroger la Cour constitutionnelle qui, elle, est compétente pour éclaircir sur le sens de différentes dispositions de cette loi fondamentale. Et comment cette loi fondamentale pourrait justement nous conduire vers le gouvernement burundais, quatrièmement, le gouvernement burundais est à l'œuvre pour mettre en application cette loi fondamentale, comme elle exige elle-même. Il faut que les personnes soient patientes. Ce n'est pas en une fraction de seconde, ce n'est pas en une journée qu'on peut mettre en application toutes les dispositions d'une loi fondamentale. Et puis enfin, j'aimerais vous informer qu'en fait, toute personne qui a la psychose du pouvoir ou qui voudrait accéder au pouvoir, d'être patient et de se préparer aux élections de 2020 pour qu'à fait de compte, elle accède au pouvoir conformément aux principes démocratiques. Honorable Célestin Ndikoumana, il est vrai, vous avez évoqué certains défis, mais la Constitution est là. Comment elle pourrait garantir les élections libres et équitables pour les prochaines échéances électorales de 2020? Merci beaucoup de la question. Merci beaucoup de la question. Mais quand vous parlez de la garantie par rapport aux élections libres et transparentes, équitables, là, quand vous parlez de l'équitabilité, là, je suis un peu confus. Sinon, ça, pour répondre à ça, j'entrerai profondément dans cette constitution-là. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour ça. Peut-être qu'il y aurait une autre mission. Sinon, si on parlait de l'égalité des chances dans un état de droit, et qu'on regarde les prescrits de cette constitution, on ne peut pas garantir des élections équitables. Équitables comment? Alors que l'Afrique, ça c'est ça, pas c'est le langage des politiciens. Non, comme vous écoute, savez. Ayez cette sagesse de laisser quelqu'un terminer ses propos. Donc, quand vous parlez, c'est la question. C'est la question qu'il m'a posée. Il m'a posé des élections équitables. Donc, quand vous parlez de l'équitable, là j'entends bien sûr l'égalité des chances. Et je vois des contradictions dans cette loi, dans cette constitution. Il suffit de regarder, de jeter juste un petit coup d'œil au niveau de l'article 174, où on prend un score de 2% à l'échelle nationale à quelqu'un membre d'un parti politique pour qu'il soit bien sûr considéré comme élu pour siéger à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais en parallèle, on prend le score de 40% dans la circonscription. Au niveau provincial. Dans la circonscription. Ou communal, pour que quelqu'un, un indépendant, un citoyen burundais, qui a choisi de ne pas être membre d'un parti politique. Parce que, bien sûr, je pense que ce soit Gachati, que ce soit Nayaja, personne ne peut dire qu'il y a une loi qui exige tous les Burundais d'appartenir au parti politique. Nous avons deux citoyens. Mais un parti politique est le seul moyen, en principe, le moyen général prévu pour accéder au pouvoir. Écoute, les citoyens burundais sont déjà traités différemment. Donc il y a bien sûr, c'est une constitution qui est, comme je l'ai toujours dit, c'est une constitution qui est taillée sur mesure. Je ne vais pas m'éterniser sur ça. Mais ce que je demande, parce que nous sommes en train de conclure, c'est quand même d'user de la sagesse pour reconnaître certains défis qui sont dedans et savoir comment s'adapter. La première chose pour s'adapter à un texte de loi aussi fondamental que la Constitution, c'est de la respecter. Et la respecter dans toutes ses dispositions, parmi lesquelles la disposition qui nous a occupés ici, la disposition 288. L'article 288, qui a été littéralement violé. Pas du tout. Avec le changement de l'une des institutions les plus fondamentales du pays. Deuxième chose, éviter toute forme de manipulation. Et là, je joue le préventif, toute forme de manipulation. Les institutions qui sont issues des élections de 2015, ils sont là, il faut les respecter, et respecter quelles institutions? Toutes les institutions. Là, je parle du Parlement, là, je parle du gouvernement, là, je parle de toutes ces autres institutions, parce que cet article-là a été clair. Votre dernier mot? Juste mon dernier mot, ne pas songer à manipuler la Constitution qui est là. Donc, respectez-la, respectez les textes, respectez les institutions, que ce soit les institutions qui fonctionnent toujours sous le régime et l'ancien régime, que ce soit les institutions qui sont en train d'être forcées pour fonctionner sous le nouveau régime, là je parlais bien sûr des constitutions, il faut les respecter et l'article 288 est clair. Et au niveau du parti IPRONA, qu'est-ce que vous proposez pour que justement les lois que le pays a, en l'occurrence la nouvelle constitution, comment pourrait-elle nous conduire vers les élections apaisée et équitable de 2020. Merci. Pour que cette nouvelle constitution nous conduise aux élections d'une façon régulière, équitable en 2020, je pense qu'il faut qu'elle soit respectée, comme mon prédécesseur l'a dit, l'appliquer telle qu'elle est mentionnée, respecter les institutions comme prévu par l'article 288, les institutions en place, et préparer les élections dès maintenant, Et là, il y a des choses à faire. Il y a le Sénat, non, la CENI. La CENI. Et je pense que dans la prochaine réunion que l'assistant du ministre de l'Intérieur a déjà évoquée, qui aura lieu à Kayanza, je pense qu'il y a des questions politiques que, nous, qui doivent mettre, qu'il faut mettre sur la table de dialogue. Et en l'occurrence, c'est la CENI. Il faut discuter sur la nouvelle équipe de la CENI. Car la CENI, c'est la CENI qui va préparer, aider à la préparation des élections 2020. Il y a le code électoral. Il y a la feuille de route qui nous va mener, qui nous mènera en 2020. Ce sont des questions sensibles qu'il faut traiter à temps, bien sûr, en respectant cette nouvelle constitution. Car il ne faut pas faire des choses en allant en dehors de cette nouvelle constitution. C'est la constitution qui est là. Mais il y a bien sûr l'article 288 qui précise comment cette transition sera organisée. C'est sur cette contribution du président du parti IPRONA, Abel Gachati, que nous mettons un terme à ce débat sur la mise en application de la nouvelle constitution, à qui nous disons merci. Je vous remercie de m'avoir invité, je remercie mes confrères qui étaient ici sur le plateau et je remercie également nos auditeurs qui ont suivi cette émission. Merci également à l'honorable Pierre-Célestin Dikoumana qui, je rappelle, est président du groupe parlementaire Amizraya Barundi. Je vous remercie beaucoup, merci de m'avoir invité, merci aussi à tous nos auditeurs. Qu'au Burundi y règne la loi. Et le respect surtout de la loi et de la constitution. Merci aussi à vous, Terence Narila Aja. Je rappelle, vous êtes le porte-parole du ministère de l'Intérieur. En même temps, vous êtes l'assistant du ministre. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci à vous, messieurs les journalistes. Merci à tous nos chers auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent. Et je termine et en vous informant que vraiment le gouvernement est en train de tout faire pour qu'en fin de compte, la nouvelle constitution soit respectée. Merci. Nous disons également à Gini Ange Ndaïteho pour la mise en onde. Merci aussi à Jérôme Nyonzima pour la réalisation. Et merci à vous tous qui nous avez écoutés. Au micro, vous étiez avec Joseph Sabiabandi. Très bonne suite des programmes à la radio Isanganiro. Mosaïque.